Que signifie la beauté? On est toujours surpris, et on est d'abord surpris, devrait-on dire, par la beauté de quelque chose, de quelqu'un ou de quelqu'une. La beauté, c'est d'abord un adjectif dans une exclamation. Nous disons à l'une ou à l'autre que tu es beau, que tu es belle, et parfois nous ajoutons d'ailleurs que tu es beau ou que tu es belle aujourd'hui, plus qu'hier et moins que demain, mais toujours avec une surprise et parfois toujours et pour toute notre vie. Cette surprise a été une énigme, bien sûr, dans toute l'histoire de la philosophie. Qu'est-ce qui justifie cette expression si singulière qui nous frappe à la fois par l'éclat de la chose que nous, ou de la personne que nous avons devant nous, par l'attrait aussi qu'elle nous inspire et qui, dont le terme de beauté vise à désigner en quelque sorte le stade suprême d'une contemplation à la fois désintéressée de l'objet pour lui-même et suprêmement intéressée par un désir qui nous attire invinciblement vers elle et nous détournerait aussi peut-être de son contraire. La beauté a donné lieu dans l'histoire de la philosophie à deux grandes directions d'explication opposées, deux grandes directions qui, c'est un peu le jeu de la philosophie, me paraissent toutes les deux insuffisantes. La première, la très grande direction, c'est de chercher derrière l'apparence des choses et des êtres un fondement de la beauté dans les choses et peut-être même au-dessus d'elles. On peut dire que le grand maître de cette direction, de cette tentation, s'appelle Platon. C'est lui qui a dit dans Le Banquet, on le sait bien, que de la beauté d'un corps, nous passons à la beauté de tous les corps et à la beauté en général et à l'idée du beau qui elle-même nous renvoie à l'idée de l'être, à l'idée de l'un et à l'idée du bien. Il y aurait donc le beau derrière les choses belles. Est-ce que c'est possible? C'est une tentation et ça nous montre en quoi la beauté fait partie du monde. Nous ne pouvons pas la réduire à nous-mêmes. Et pourtant, de l'autre côté, dans l'autre grande direction de la philosophie, eh bien, la beauté est d'abord dans l'œil ou dans le corps même du sujet qui la contemple et qui la ressent. Car il y a aussi évidemment la beauté musicale et peut-être que chacun de nos sens a son émotion esthétique, comme on dirait peut-être, sa beauté propre. Et de ce point de vue-là, la beauté est d'abord dans celui qui regarde, elle est d'abord subjective, humaine peut-être, mais aussi peut-être plus largement vitale. Elle dépend aussi de ce désir justement que nous inspire l'objet beau, un désir qui peut-être n'est pas si désintéressé ou contemplatif qu'il en a l'air, qui est aussi déjà un commencement d'amour. Et certains disaient, Aristote justement s'opposant déjà à Platon, une promesse de bonheur. Au fond, cette idée d'une beauté fondée dans l'être ou d'une beauté cachée en nous, dans la subjectivité, s'oppose dans toute l'histoire de la philosophie. Mais elle manque peut-être, toutes les deux, quelque chose d'essentiel et qui est déjà dans nos exclamations premières. L'idée que la beauté est d'abord relationnelle, qu'il faut les deux, que c'est la beauté de quelque chose ou de quelqu'un pour quelqu'un qui la regarde ou qui s'y relie, que la beauté est donc une relation, vraiment une relation entre les vivants, cette relation qui tout à coup apparaît comme telle, qui n'est peut-être pas réduite d'ailleurs à l'aspect extérieur, à cette beauté qui vise aussi la séduction, comme dans la beauté animale, ou la beauté des plantes, qui a aussi un aspect de désir, de reproduction sexuelle, et qui est pourtant aussi un éclat sous le soleil. Cette beauté qui est à la fois objective et subjective, parce qu'elle est d'abord relationnelle, parce qu'elle nous relie entre nous, parce qu'elle est le signe même de cette relation. Et la beauté est dans cette relation et dans cette exclamation elle-même, c'est le sens, c'est le signe même que la vie elle-même est relationnelle.